right come in the jungle, pop it unity and having fun. You take young kid best, rêve de Ben, sex and son et gazelle, un bel et shit. Shit, tease, but cheat, bass et but sin, sis, sis, sis, et cerveau calcine. On est mal vu chez les porcs et ça sent pareil. Moi et mes léopards, on espère qu'on était pareil. Mais je suis qu'un insecte, une personne usée pour m'appuyer mes manières, présumé coupable. J'ai pas pris les bonnes manières en école de dictature. J'apporte la lyrique sans scandaleuse. M'entends-tu, bro? R-L-Y, gardez pas les pour plaies. J'pisse sur ta terre, soit tu gagnes, soit tu perds. Face au visage, pas un flag, visage foncé. Déterministe, nos lyriques sont référencées. Mais à qui sont ces langues de pute qui sifflent sur nos têtes? Venez les récupérer, voyez qu'ils nous embêtent. Ils veulent freiner notre ascension. Dites-leur de faire attention. Le faux, le triomphe, non, non, pas dans ces chansons. Mon lyrique spue l'alcool pour les soulards. Petit shit pour les dépens, pas double shot comme dans trou là. Best of me best, yo ho. Zan fo ho, trafic coco, wako ho. Zarm lourd, lit au Z ho ho. En cash, trop de loup tombé, pour pas finir Toby. Sois animal, mais non, bétail, bestial, et non, te bête. Si t'es la haine, lève ta crinière German. Si t'es loup, lève ta bannière. Il voudrait me shooter ma race, déterminer ma race. Il menace pour la société, l'homme animal. Me shooter ma race, déterminer ma race. Il menace pour la société, l'homme animal. La vie est ses manigances, malin l'arc venin, comme le serpent, la ville qu'on arpente sans un carnaval d'apprentis. Sakada, sakada, plus à la rep cette vie de chien. C'est un or comme dans Jacadi. Succès à la honte, on attend notre heure de gloire. Le succès monte à la tête. Je vais faire chuter, appelle-moi l'homme animal. Car animal par l'instinct, sauvage par l'aspect. Et l'instant où je lâche, c'est que sur nos pattes des meules. Musées sont nos queues par les poulets. Qui taffe pour la porcherie, pauvre riche. Aucun rapport humain dans ça, leurs griffes s'unissent que par le danger. Dans la grande, du coup, large de Noé. Les jeunes piranhas rêvent de devenir cachalots. Dans l'océan où seul le grand requin le cache. Beaucoup léopards, tellement boutou. Vendent attribué, habitat, mais je m'habitue. Aux serpents, aux pièges, sauvages.